Bismillahirrahmanirrahim. Je tiens à faire un tambih que j'ai oublié de dire, qui est important par rapport à la question précédente sur la sentence que doit subir celui qui insulte le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, se moque de lui ou autre. On avait dit que c'est la peine de mort. Mais une chose qui est importante à préciser, c'est que cette peine n'est applicable que par les gouverneurs musulmans. C'est tout. D'accord? Quand on a dit ça, j'avais dit ça pour informer du jugement, de façon générale. Mais les shurut, conditions de son application, il faut que cela soit appliqué par un gouverneur musulman. Ça ne revient pas de tout à chacun. On ne fait pas d'acte de terrorisme ou de meurtre ou d'assassinat comme ça de nous-mêmes. Cela n'est pas permis. Si la sentence de la peine de mort dans les choses de la religion doit être appliquée, cela est le droit des gouverneurs musulmans et non pas des civils. Chose très importante à retenir. Non. Donc toutes les fois on parlera de peine, que ce soit la peine de mort, que ce soit une amputation, que ce soit une flagellation, ce genre de choses, les sentences sont le droit des gouverneurs musulmans. Si jamais des fois on omet de le dire, sachez-le, c'est un fondement à connaître et à retenir. Si jamais des fois on omet de le dire, on dit telle peine, c'est telle chose, sans préciser, vous ne l'oubliez pas, que cela revient au gouverneur musulman. Taïb. Ensuite, il fut interrogé dans la 92e question, toujours c'est une question qui est similaire aux précédentes, cependant celle-ci, il précise que il est possible à celui qui aura insulté Allah Azza wa Jal ou la religion sera moquée de se repentir, d'un repentir sincère. Et là il va parler des conditions du repentir, la tauba, pour que cela soit acceptable. Car Allah Azza wa Jal pardonne toute chose à part le shirk. Pour celui qui meurt dessus. Quant à celui qui fait du shirk en étant vivant, qui fait tauba, sa tauba est acceptée. Faqala shurut at-tauba al-khamsa. Donc il cite que les conditions de la tauba sont le 5. Shart al-awwal al-ikhlas lillah bi tawbatihi bi-anna la yakuna al-hamilu lahu ala tauba riya' aw khawfan min makhluq aw raja'an li amrin yanaluhu min ad-dunya. Fa idha akhlasa tawbatahu lillah wa sara al-hamilu lahu 'alayha taqwa Allah 'azza wa jalla wal khawf min 'iqabihi wa raja'a thawabihi faqad akhlasa lillahi ta'ala fiha. Première condition, c'est que ce repentir doit être fait sincèrement pour Allah. Que cela ne doit pas être fait par ostentation, par exemple, pour le regard des gens. Ou par peur d'une créature, quelqu'un par exemple, qui se repent par peur qu'on applique sur lui une sentence ou autre, ou une vengeance. Ou également, que cela ne doit pas être par espoir d'obtenir une chose de ce bas monde. Donc si jamais sa tauba est sincère pour Allah, il le fait vraiment par crainte d'Allah et par peur du châtiment d'Allah, alors celle-ci est également par espoir de recevoir la récompense d'Allah, alors celle-ci est valide et acceptée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ashart athani, deuxième condition, an yandama ala ma fa'ala min adh-dhanb bihaythu yajidu fi nafsihi hasra wa huzna ala ma madha wa yarahu amran kabira yajibu alayhi an takhallasa minhu. Deuxième condition, c'est qu'il regrette ce qu'il a fait, ce péché qu'il a commis, du fait qu'il sente au fond de lui du remords et de la tristesse de ce qu'il a commis. Et il voit que c'est une chose qui est immense et qui doit obligatoirement s'en délier de ce péché. Donc, qu'il regrette, le regret sincère. Ashart al-thalith an yukli'a 'an adh-dhanb wa an al-israr 'alayhi fa in kana dhanbuhu tark wajib qaba bi fi'lihi wa tadarakahu in amkana. وإن كان ذنبه بيتين محرم أقلع عنه وابتعد عنه ومن ذلك إذا كان الذنب يتعلق بمخلوقين فإنه يؤدي إليهم حقوقهم أو يستحلهم منها. نعم. Troisième condition, c'est qu'il cesse sur le champ ce péché et qu'il ne perdure pas dessus. Par exemple, si jamais ce péché dans le délaissement d'une chose obligatoire, alors cette chose il l'accomplit. Et il la rattrape si cela lui est possible. Si jamais ce péché Et dans le fait qu'il ait commis une chose interdite, alors il cesse sur le champ, cette chose-là. Et il s'en éloigne. Donc, toutes les choses qui mènent vers ce péché, il s'en éloigne, il le délaisse. Et si jamais ce péché est lié au droit de créature, alors il leur rend leur droit. Et il se délie de l'injustice qu'il aura commis, par exemple comme du riba, ou comme une calomnie, ou comme un mensonge, ou comme un vol, ou comme autre. Il doit faire en sorte qu'il soit pardonné ce péché et se délier de l'injustice qu'il a fait subir à autrui. Car dire « je fais tawbah » seulement ne suffit pas. Les gens, ils ont un droit, il faut leur rendre leur droit. « Achat rabi' al-azm ala an la ya'ouda fi al-mustaqbal bien yakuna fi kalbi azmun mu'akkadun an la ya'ouda ila hadhi al-ma'siyah allati taba minha. » Quatrième condition, qu'il soit déterminé à ne plus recommencer dans le futur. Que dans son cœur, il soit déterminé à s'en abstenir. Maintenant, s'il revenait à recommencer, mais qu'il ait fait une vraie tawbah, alors, cela ne remet pas en compte le péché précédent. Sa tawbah, elle a accepté du premier péché, s'il recommence deux fois. Mais il devra quand même se repentir de la deuxième fois. Et s'il recommence trois fois, son premier et deuxième péché sont repentir et sont acceptés. C'est-à-dire, même s'il recommence par la suite, cela ne remet pas en compte ses tawbahs précédentes. S'il a été sincère dedans, qu'il a fait avec les conditions. Al-Shart al-Khamis. Cinquième condition. Antakuna tawbatu fi waqt al-Qaboul. Fin kalat ba'd fawat waqt al-Qaboul. Falam. Lam tukbel. Et également que cette tawba soit accomplie dans le temps d'acceptation. Si jamais cette tawba est faite dans un temps qui n'est plus acceptable, alors sa tawba sera refusée. Fawat waqt al-Qaboul. Am wa khas. Donc ce temps-là, pour accepter la tawba, est de deux sortes. Un qui est général et un qui est spécifique, particulier. Amma al-am fa'innahu tulu' al-shams min maghribiha. Fa'tawbatu ba'd tulu' al-shams min maghribiha la tuqbal likullahi ta'ala yawma ya'ti ba'd ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khayra. Donc le temps général qui est valable pour tout le monde, c'est avant que le soleil ne se lève de son couchant. Et cela est parmi les grands signes de l'heure. Car une fois que le soleil se lèvera de son couchant, que les gens le verront, là, il n'y aura plus de tawba. Il ne sera plus possible, même aux mécréants, de devenir des croyants. À ce moment-là, ce sera fini. Dans le sens où Allah a dit, et le jour où viendront certains signes de ton Seigneur, que la foi ne servira plus à personne pour quelqu'un qui n'aura pas cru auparavant. Surat al-An'am, bien sûr, verset 158. Donc à ce moment-là, cela ne sera plus possible. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans des hadiths que la tawba est acceptée tant que le soleil ne se lève pas de son couchant. وَمَّا أَلْخَاسْ فَوَّا حُدُورْ أَلْأَجَلْ فَإِذَا حَدَرَ الْأَجَلْ فَإِنَّ تَوْبَتْ لَتَنْفَعْ لِكُلِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَيْسَتِ الْتَوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا لِلَّذِينَ يَمُوتُونَ هُمْ كُفَّارٌ. Donc il dit également le temps maintenant qui est spécifique et qui est relatif à chacun, c'est lors de la mort. Lorsqu'on voit la mort devant nous, comme à l'agonie ou autre, sur le moment de la mort on parle, sur le moment même de la mort, et non pas quelqu'un, par exemple, qui serait malade, à qui on dirait, il te reste tant et tant à vivre, lui, il peut faire tawba encore à ce moment-là. On parle de quelqu'un qui est devant la mort, ou dans l'agonie, c'est-à-dire aux instants, juste avant la mort, et qu'il sait qu'il va mourir. À ce moment-là, la tawba n'est plus acceptée. Comme quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, malam yu ghalghir. Ghalghir, c'est être à l'agonie. Et la preuve, c'est la parole d'Allah dans le sens où il dit que le repentir n'est pas pour ceux qui ont commis du mal, et qui ont attendu jusqu'à ce que la mort leur vienne et qui dit « je me repens maintenant ». Et ni pour ceux qui mourront en étant mécréants. Surat les femmes, verset 18. D'ailleurs, ce fut le cas de Pharaon qui, lorsqu'il a vu qu'il était sur le point de mourir, il a dit « Amantu bil ladhi amanat bi banu Israël wa ana min muslimin ». Il a dit « je crois en la divinité en laquelle ont cru les fils d'Israël. Je suis du nombre des muslimines ». Mais là, c'était plus accepté pour lui. Car c'était trop tard pour lui à ce moment-là. Donc là, c'était les chourouts que l'auteur a cité pour quelqu'un qui aurait, مثلاً, insulté Allah Azza wa Jal, ou insulté le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ou autre, parmi tous les péchés. Mais là, c'était lié à cette question-là en particulier. Et ça, c'était une partie de la question 92 qu'on n'a pas lu entièrement, car le reste a déjà été cité auparavant. Alhamdulillah.